Chapitre 6e. De grand matin, je laissai ma femme endormie pour aller lui chercher des fleurs. À mon retour, tante Atkins vint à ma rencontre. « La petite dort ?» me demanda-t-elle en ôtant de sa bouche son inséparable pipe. « Oui, » répondis-je. Tante Atkins cligna d'un œil. « Ah, you rascal !» Mais la petite ne dormait déjà plus. Nous la vîmes descendre du chariot et se faire de la main un abat-jour pour regarder dans toutes les directions. En m'apercevant, elle courut au-devant de moi, toute fraîche et rose, et tomba dans mes bras ouverts. Puis, tendant ses petites lèvres, elle dit vivement « Bonjour, bonjour !» Et se haussant sur la pointe des pieds, elle me demanda avec une gravité espiègle « Am I your wife ?» Que pouvais-je lui répondre, sinon l'embrasser et la choyer indéfiniment? Aussi coulèrent les jours que nous passâmes dans la presqu'île. Jusqu'au départ, le vieux Smith me suppléa dans mes fonctions. Nous visitâmes encore une fois nos castors et maintenant je pouvais porter Liliane pour franchir le ruisseau sans qu'elle s'y opposât. Ces promenades cessèrent 2 jours seulement avant notre départ. D'abord parce que les peaux rouges s'étaient montrées aux environs, ensuite parce que ma bien-aimée s'alanguissait visiblement. Elle pâlissait et à mes questions ne répondait que par un sourire. Tante Atkins, il est vrai, fermait mystérieusement l'œil gauche, et en parlant de la maladie de Liliane, elle lâchait de telles bouffées de fumée qu'elle disparaissait parfois complètement. Pour moi, je demeurais d'autant plus perplexe que de tristes pensées commençaient à assaillir Liliane. Une idée s'était ancrée dans sa tête, c'était péché que nous aimer comme nous nous aimions. Une fois, montrant de son petit doigt la Bible qu'elle lisait chaque jour, elle me dit avec mélancolie « Lis, Ralph ». Je regardais les lignes indiquées et un trouble indéfinissable envahit mon cœur à cette lecture. « Who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the creator, who is blessed forever ?» Qui donc a remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et senti et servi la créature plus que le créateur béni de toute éternité ? Elle ajouta quand j'eus fini de lire « Mais si même Dieu s'en offense, je sais qu'il est miséricordieux et ne châtiera que moi. » Je cherchais à la rassurer. Je lui expliquais que l'amour, c'est l'ange qui vole vers Dieu et lui apporte des actions de grâce. Notre entretien sur ces choses fut interrompu par les préparatifs du départ, l'inspection des voitures, des bêtes et 1000 autres détails qui me prenaient tout mon temps. Quand vint le moment de se mettre en route, les larmes nous vinrent aux yeux en quittant ces lieux témoins de notre bonheur. Mais quand je vis s'allonger la longue file de chariots et les mules et les chevaux, je fus rempli de joie à la pensée que le terme de notre voyage allait devenir de jour en jour plus proche. Quelques mois encore, et nous atteindrions la Californie, notre but souhaité. Les premiers jours de marche ne furent pas très heureux. Du Missouri jusqu'au pied des montagnes rocheuses, le terrain, sur une vaste étendue, s'élève en pente croissante. Nos bêtes de somme tiraient avec peine et se fatiguaient vite. De plus, il nous fut impossible d'approcher de la grande rivière Platte, bien que la saison des crues fût passée. Par contre, celle des grandes chasses était commencée, et quantité d'Indiens sillonnaient les bords du fleuve à la piste des bisons qui, par troupeaux, remontaient vers le nord. La garde devenait également fort pénible, car il ne se passait pas une nuit sans alerte. Un matin, en me réveillant, l'inquiétude me prit. Liliane était très pâle et ses yeux se cerclaient de bleu. Auparavant, quand je la regardais, elle se réveillait, me souriait et se rendormait. Aujourd'hui, je redonnais la moitié de ma santé de fer pour être arrivé en Californie. Mais c'était encore loin, très loin. On se remit en marche, se dirigeant vers le nord, le long de la rivière de l'Homme Blanc, vers la partie méridionale de la rivière Platte, où celle-ci traverse le Colorado. Le pays devenait de plus en plus accidenté. Nous nous trouvions dans une sorte de gorge encaissée entre des rochers de granit de plus en plus hauts, tantôt isolés, tantôt formant une muraille gigantesque. Le bois ne nous manquait pas. Les sources jaillissaient des rochers au sommet desquels bondissaient des bouquetins. L'air était pur, froid et sain, et 8 jours après, les fièvres avaient disparu sans laisser de traces. Seuls les chevaux et les mules, obligés de se nourrir de la chétive végétation des montagnes, maigrissaient et geignaient en montant la pente avec nos chariots lourdement chargés. À midi enfin, des montagnes énormes commencèrent à apparaître comme des phares ou comme des nuages vagues, bleus et blancs. À ce spectacle, la caravane entière poussa un cri. On grimpa sur les chariots pour mieux voir. De tous côtés, on entendait des exclamations. Rocky Mountains, Rocky Mountains !»